France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Même si, comme il n'a jamais cessé de l'affirmer, la chanson devait être considérée comme un art mineur, Serge Gainsbourg en serait, sans conteste et avec une majuscule, un artiste majeur dont on n'est pas prêt d'être vacciné. Artiste qui, comme tout artiste digne de ce nom, se reconnaissait des maîtres, en parole comme en musique, mais également en peinture, qui fut sa première vocation artistique. De l'auteur, compositeur, interprète génial qu'a été, dans son genre mineur, Serge Gainsbourg, les années 70 furent peut-être la décennie majeure avec Histoire de Mélodie Nelson et L'homme à la tête de chou, album phare pour les très nombreux musiciens, français comme anglo-saxons, qui, des 70s à aujourd'hui, auront considéré Gainsbourg comme une référence. En mars 1990, un an tout juste avant sa disparition, c'était à cette période de sa carrière que s'intéressait le quatrième numéro d'une série d'Euphonia qui saluait 30 ans de chansons de Serge Gainsbourg. Une émission à laquelle participaient le musicien musicologue Jean-Yves Bosseur et le journaliste Gilles Verlan, auteur d'une biographie de Gainsbourg. On y entendait notamment le chanteur évoquer ceux, poètes, romanciers, musiciens et peintres, dont il se sentait redevable. Euphonia, Serge Gainsbourg, le début des années 70, une émission de Jean-Luc Leret et Patrick Chompré, diffusée la première fois le 1er mars 1990 sur France Culture. Je n'ai pas écrit que les choses visibles. J'aimerais que certains titres soient effacés, mais quand c'est gravé, c'est grave. Moi, je me mets au piano, je fais fausses notes. Parfois j'ai les doigts ensemble, parce que j'écris de la merde, et puis, tu vois, tac! Comme je suis un mec du 19e, je crois. Je reste un gentleman, peut-être un voyou quelque part. La quatrième émission consacrée à Serge Gainsbourg, 30 ans de chansons. Aujourd'hui, les années 70, l'influence des poètes de José María de Heredia à Paul Verlaine et de la littérature de Daniel Defoe à Nabokov. Serge Gainsbourg évoquera également les crooners et la création de l'homme à la tête de chou. Avec l'album Mélodie Nelson, sorti en 1971, Serge Gainsbourg a trouvé un nouveau souffle, une écriture plus libre, s'évadant des limites habituelles de la chanson. Pourtant, il prend du recul et analyse sa contribution artistique. Vroom vroom, me voici Rose Zinc. Avion fantôme, ouh. Aéroplane, vieux coucou, dont l'altimètre se déglingue. C'est à peine si je distingue les balises du terrain où je me pose en casse-cou. J'alanguis dans la nuit buccale, où je vais transiter un coup. Serais-je chez les cannibales? La laine de pipermint m'envahit le cockpit, ding ding. Je me sens vibrer la carlingue, se dresser mon manche à ballot. Dans la tour de contrôle en bout de piste, une voix cunilingue me fait glou glou. Je vous reçois 5 sur 5. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Pays Zoulo, mais non, voyons, suis-je dingue? Je suis à Marilou. C'est que j'étais quelque part un visionnaire, mais pas assez visionnaire pour être un génie. Un génie, ben, je l'ai dit, je le redirai. C'est un mec qui voit au-delà de sa génération. Après, il sera accepté, mais lui, le pauvre, ça colle pas. Ça colle pas. C'est comme... Delacroix était un visionnaire. Alors maintenant, on trouve classique. Non, c'est faux. À l'époque, c'était un visionnaire. Courbet était un visionnaire. Il a arrêté la technique du glacis. Il a peint straight. Hein? Straight. Qu'est-ce qu'il y aurait comme parallèle sur le plan musical on pourrait dire Schoenberg, Alban Berg, Bartok. Ça, ce sont des visionnaires. Ce sont des grands révolutionnaires. Maintenant, on regarde un Delacroix comme un classique. Non, c'est pas vrai. Delacroix a été un des premiers, avec Turner et Whistler, à décomposer la lumière. Donc, je ne suis pas... En définitive, je ne suis pas un précurseur. Quoique. Plus grand, c'était Baudelaire. Baudelaire. Il y a quelque chose qui est absolument mal connu, qui est le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe. Tout le monde pense que Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe, c'est parfait. Mais il a écrit le journal de la peste. Et c'est sur, dans l'histoire de la littérature le premier constat journalistique. Ensuite, Rimbaud. Rimbaud, on en reviendra toujours à Rimbaud parce que je voudrais l'égaler et j'y arrive pas. Peut-être j'y arrive sans en prendre conscience, mais je veux l'approcher, je veux le retrouver en Abyssinie, je veux retrouver Rimbaud. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans des terres sans oiseaux, moi, dont les moniteurs et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, tachés de lunules électriques, planches folles, escortés des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémotes et les maelstroms épais. Fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. Poésie, dans son état pur, n'a pas besoin d'un apport musical. C'est là où ça me fait chier. Parce que j'aime la musique. Et oui. Et pourquoi pas, nous sommes au XXe siècle. Pourquoi ne ferions-nous pas d'un art mineur un art majeur? Je crois que les arts mineurs sont en train de reculer les arts majeurs parce que nous n'avons plus de puissance. Et puis c'est vous qui parlez d'arts mineurs tout le temps. Ben oui, parce que j'ai été initié à la peinture et à l'architecture. Alors je parle d'arts mineurs parce que les arts mineurs sont directement perceptibles. Il n'y a pas besoin d'initiation. Or, je crois profondément à l'initiation. Je pense que il n'y a plus de ni de maître ni de maître. J'ai été initié, donc je peux en parler. Initié par de grands maîtres. Si Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud ont fortement impressionné Serge Gainsbourg, il y a aussi Paul Verlaine, dont la chanson d'automne a servi de base à un de ses textes. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Je suis venu te dire que je m'en vais. T'es là où n'y pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence. qu'à son erreur. Des adieux à jamais, ouais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Ouais, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent, que ce n'est heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais, oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais, oui, je suis au regret. Gilles Verlan, on l'a vu, Serge Gainsbourg poursuit son travail d'écriture, mais désormais il écrit pour quelqu'un de très proche de lui, puisqu'il s'agit de Jane Birkin. Oui, absolument. À partir de 70, à part quelques titres pour Dutron et un album entre toutes pour Zizi Jeanmaire, il se consacre tout à fait à Jane. Jane qui est non seulement la première de ses murmureuses, ses chuchoteuses, mais qui est aussi sa muse, puisqu'on la retrouve en pochette de l'album Melody Nelson, dont on parlait hier. Et pour Jane, il compose, il écrit des chansons dont Jane parle toujours comme étant des mini-interviews, des mini-portraits, comme elle dit. Et Jane lui inspire aussi un coup, avant de passer à son premier album solo, un coup qui est un petit peu foiré, qui s'appelait La Décadence, qui aurait dû être un carton comme Je t'aime moi non plus, malheureusement ça n'a pas marché. Le principe de La Décadence étant que votre cavalière, c'est le cas de le dire, vous tourne le dos. Par contre, en 73, il enregistrera l'album Didouda, et là il raconte les aventures d'une coquine lolitesque, un garçon manqué qui fait des ballons en gonflant des capotes anglaises. Oui. Qui raconte aussi ses mésaventures avec Help Camionneur, les mésaventures avec un camionneur, ou son désarroi devant les garçons dont elle se plaint qu'ils prennent leur plaisir sans moi. Donc pour elle, il change un petit peu sa façon d'écrire. Tout à fait, ouais. Et voici justement un de ses portraits. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste. Un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon? Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon? Aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste. aquaponiste, un faiseur de plaisantriste, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste. Qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons. Alors il faut signaler que c'est un travail d'écriture qui se poursuit toujours avec John Birkin. Oui, absolument, même depuis la séparation, il a écrit certainement le plus bel album de Jane, c'était Baby Alone in Babylon avec les deux Sous-Chic. Et là, pour l'instant, Jane est en train de terminer un nouvel album de chansons de Serge. Alors en 1974, Serge Gainsbourg poursuit son travail avec les musiciens anglais et écrit un album intitulé Vue de l'extérieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant ça? En mai 73, c'est le drame, il a une crise cardiaque, il se retrouve à l'hôpital américain et consterné d'ailleurs que la presse n'y attache pas plus d'attention, c'est lui-même qui appelle François, soi-disant de son lit de mort, alors que ce n'était qu'une petite, un petit incident bénin, pour accorder une interview exclusive, pour raconter ses malheurs. Il a en tout cas, suite à ça, été inactif de longs mois, et c'est donc l'album de la convalescence. Il s'occupe d'ailleurs de la petite Charlotte qui vient de naître, et pour son nouvel album, donc, qui est effectivement beaucoup plus sobre, la pochette est géniale, puisqu'on retrouve la tronche de Serge entourée d'autres tronches, mais c'est celle de chimpanzés, d'orang-outans et autres macaques. C'est un album plus sobre parce que cette fois-ci, il n'y a plus de Jean-Claude Vanier, il n'y a plus l'arrangeur de Melody Nelson, donc disparu aussi l'orchestre symphonique et les 70 choristes de Melody Nelson. Mais il y a des thèmes très spéciaux. Absolument, c'est pas vraiment un album concept, mais il y a un thème récurrent, à part, je suis venu te dire que je m'en vais, le thème récurrent, je vous le laisse deviner, à travers des vents, des pets, des poumes, Pamela, Popo ou l'hippopotame. Oui, on voit très bien de quoi il s'agit. Finalement, un thème qui annonce déjà la rédaction du livre Kenny Sokolov. Absolument. Voilà, donc par hasard et par hasard. Chez elle, et sur qui je tombe, comme par hasard, un para. Le genre de mec qui les tombe toutes, ça m'en fiche un coup, je suis comme un fou, je m'en vais au hasard, en rasant les murs du cimetière, je saute tombe en tombe au hasard. Des allées, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Toutes les mêmes, après tout, cette fille, je m'en fous. Ouais. Par hasard et par hasard, je réplique chez elle sur qui je tombe comme par hasard. Genre de mec qui est en tout, ça m'en fiche un coup, je suis comme un fou, en vais au hasard, en rêvant les murs du cimetière, je saute de tombe en tombe au hasard, désolé, ça m'a fait l'effet d'une bombe. À vue de l'extérieur, super. Je pense que c'est une de mes plus belles. Tu es belle vue de l'extérieur. Et là, je sais tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est assez. C'est pas dégueu. C'est dégueu, mais c'est pas dégueu. Comment peut-on s'analyser soi? je voulais faire, elle se détruit sur la chanson d'amour. Mais enfin, en filigrane, on comprend que la petite, je l'aime. Je n'ose pas le dire, parce que je suis un garçon extrêmement décent. Et indécent. Je suis indécent par ma décence. Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. Va te faire voir, va faire voir ailleurs. Il est beau, vu de l'extérieur. Malheur à moi qui ai pénétré à l'intérieur. C'était bon, ça évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir. T'es gros plou-plou, tout beau, tout chaud. Et ton gros pétard, il est beau, vu de l'extérieur. Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu, de l'aventurier à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va faire voir, va faire voir ailleurs. Tes deux doudounes, tes gros ballons et ton petit valseur. Il est beau, vu de l'extérieur. J'aurais dû me méfier, pas risquer à l'intérieur. C'était bon, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. Et sans délai, et tes boîtes à lait, et ton popotin. Il est beau, vu de l'extérieur. J'ai risqué à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. C'est un an plus tard, Jules Verlan, que Serge Gainsbourg choisit à nouveau l'axe de la provocation et reprend l'imagerie nazie pour l'album Rock Around the Bunker. Oui, provocation d'ailleurs à tel point que ses attachés de presse de l'époque vont avoir un mal fou à faire en sorte que les disques passent un petit peu à l'antenne. Alors par exemple les stations périphériques, alors là c'est le niet complet. D'ailleurs faisons l'éloge de la maison, il n'y a que France Inter à l'époque qui passe des extraits de Rock Around the Bunker, certainement un album très provocant. Alors pourquoi ce titre anglais, demandait un journaliste Alain Weiss, pour ne pas le citer, à Serge Gainsbourg en 75, et Serge lui répondait: mais si on traduisait dansons autour de la casemate, ça ne swingerait pas des masses. C'est pas terrible. Alors c'est un album qui se situe à la fois dans l'air du temps, puisque l'imagerie travelo, nazi, sadomaso de nazi rock par exemple était dans l'air du temps par le biais d'un film comme le Rocky Horror Picture Show, Les Damnés de Visconti évidemment, ou même Cabaret de Bob Fosse. Et c'est aussi pour Serge une manière de s'exorciser 30 ans après la fin de la Deuxième Guerre, de son passé de petit juif et russe pendant sous l'occupation. Il repense au petit Lucien Ginzburg qui a porté l'étoile jaune, qui a dû fuir les nazis. Tout le monde connaît cette anecdote célèbre, il a même dû se cacher 2 jours et 2 nuits dans une forêt pour échapper à une rafle, et il se trouvait après tout à quelques kilomètres d'Oradour le jour où les nazis ont exterminé la population de ce village, ça se passait en 44. Voilà. Et un rescapé de la guerre. Alors donc il fait rimer teuton et téton, tartare et torture, et côté technique, c'est une étonnante avalanche de nouvelles rimes rares et d'allitérations. Il tombe des bombes, ça boum sur boum sublime. déplombe, que ça tombe, un monde immonde s'abîme. C'est l'hécatombe, ça retombe, en trombe, ça fume. Tout flambe, les tombes, les temples, exemple sublime. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. J'ai voulu, bon ça a été mal perçu, mais en fait je voulais exorciser cette période que j'ai vécue quand j'étais gamin, où j'étais marqué d'une étoile de ma race, l'étoile de David. Mais donc, pour exorciser l'affaire, j'ai écrit encore un bunker. Toujours avec mes anglais. Hein. Le titre classieux, c'est SS in Uruguay. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il fallait trouver les rimes aïe. Sous un chapeau de paille. Un jus de papaye avec paille. Ah là, je commence à maîtriser vraiment ma langue. C'est-à-dire un français. SS in Uruguay. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. SS in Uruguay. Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe, il y a des couillons qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition. SS in Uruguay. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles. Où que j'aille, SS in Uruguay. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. J'ai gardé de mes batailles, croix gammées et médailles, en émail, et toujours ces couillons qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas question de payer l'addition. J'ai ici de la camaille qui m'obéit au doigt et à l'œil. Et puis, pourquoi je chante « Smoke gets in your eyes » Parce qu'il est véridique et historique que Eva Braun mettait sans cesse devant son julot, l'assassin du XXe siècle, Smoke it in your eyes. Et ça le gonflait. mais c'est vrai que c'est joli, Smoke it in your eyes. Non, c'est pas ça. Ah non. Ah non, non. Bon, peu importe, merde. going to sing for us. Oh, am I? Yes. All right. Années plus tard, Brel a eu une phrase terrible pour moi. Il m'a dit ceci. Serge, ou Gainsbourg, je ne sais plus. Tant que tu ne comprendras pas, quand tu n'auras pas la notion de ce que tu es, c'est-à-dire un crooner, crooner, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui... C'est comme Sinatra, quoi. Le mec qui chante pour les filles. Tu n'y arriveras pas. Alors je balance. Tu vois ma tronche. Tu t'es cinglé, quoi. Et la résultante de l'affaire, c'est qu'il avait raison. Parce que toutes les plus belles chansons que j'ai écrites, c'était des chansons de connu. Par exemple, à Chavanaise. L'eau à la bouche. Manon. Des passions au-dessus du jardin. Au-dessus du jardin, ton expression, tout chagrin. Tu as lâché ma main. Comme si de rien n'était de l'été. C'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe. Égaré en chemin. tu sais, de me faire croire, enfin, que l'amour revient. Alors nous sommes en 1976, Gilles Verlan. Que représente cette période pour Serge Gainsbourg? Où en est-il réellement? Alors le contexte, c'est que Gainsbourg vient de sortir son premier film, J'étais moi non plus, en mars 76, film dédié à Boris Vian d'ailleurs, film avec Jean Birkin dans le rôle de la jeune androgyne, avec Joe D'Alessandro, un rescapé de l'underground new-yorkais d'Andy Warhol, ainsi que Hugh Kester et la chienne Nana, un bull terrier aussi moche qu'émouvante. Le film se fait crucifier, bien entendu, et les seules bonnes critiques de l'époque, il faut le dire, c'est Henri Chapier dans le Quotidien de Paris, et aussi François Truffaut à la radio, qui en dit beaucoup de bien. Alors après avoir sorti la bande originale du film, je t'aime moi non plus, il sort donc L'homme à tête de chou, qui s'inspire du nom, du titre d'une sculpture de Claude Lalanne, qu'il s'achète à l'époque, et qui trône d'ailleurs toujours chez Gainsbourg, dans son petit hôtel de la rue de Verneuil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'album qui sort en janvier 77, il est acclamé comme un chef-d'œuvre, mais comme d'habitude, il ne vend pas. Mmh. Il faut savoir que les chansons que Gainsbourg vend à l'époque, c'est des chansons nièces, des chansons gadgets, comme il dit. C'est par exemple La Micaouette en 75, qui est sans doute ce qu'il a fait de plus bébête, et Sex and Sun l'été 77, donc 6 mois après L'Homme à tête de chou, qui sera la bande originale des Bronzés. Alors pour en venir enfin à L'Homme à tête de chou, c'est au niveau des paroles, coïncidence stupéfiante, c'est un album punk, parce que le mouvement punk explose à ce moment-là en Angleterre. On parle beaucoup de Clash, des Sex Pistols, on parle aussi de cette philosophie du no futur, pas de futur, de cette chanson de Richard L qui s'appelait Blind Generation, la génération vide, et d'une coïncidence insensée, Gainsbourg est dans le même état d'esprit. Et il se met enfin à coller à son époque. Oui, mais c'est vraiment une coïncidence, hein. C'est pas du tout un opportunisme de sa part, parce qu'au niveau musical, il n'y a strictement rien de punk, mais au niveau du contenu et des paroles, c'est ça, quoi. Et on y trouve, entre autres choses, les magnifiques variations sur Marie-Lou, c'est-à-dire 7 minutes 38 secondes de séquences érotiques et Lewis Carolienne. Donc voici l'histoire de l'homme dont la tête se transforme en inflorescence charnue de la famille des crucifères. Quand Marie-Lou danse reggae, ouvrir baguette et prodiguer, salutations distinguées de petits serpents katangais. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passer à gay, beaucoup caresses et endiguées, spermatozoïdes aux aguets. Quand Marie-Lou danse reggae, au bord climax faire le gay. Changer vitesse, changer braquet, et décoller avion breguet. Quand Marie-Lou danse reggae, elle et moi plaisir conjugué. En Marie-Lou, moi seringué, faire mousser en meringué. La Lolita, bien que mineure par son âge, est un personnage majeur dans l'univers de Serge Gainsbourg. Et en dehors de L'homme à la tête de chou, il a consacré à ce thème deux albums, Melody Nelson et You're Under Arrest, sans compter une dizaine d'autres chansons essaimées dans les autres albums. C'est en 1959 que Vladimir Nabokov sort le roman qui va enfin donner un nom à la nymphette de toujours, Lolita. Et selon Nabokov, la Lolita est âgée de 9 à 13 ans et possède non pas forcément la beauté, mais cette grâce trouble, ce charme élusif et changeant, insidieux et bouleversant, qui la distingue de ses congénères. Sur le plan cinématographique, quelqu'un a fait quelque chose d'imparable, c'est Kubrick, avec Lolita. Enfin... C'est pas imparable, parce que le livre de Nabokov est sublime. La fille a 13 ans, et il pouvait pas. Alors il a pris Su Young, parce que il était impossible qu'il se tire une gonzesse de 13 ans, mais dans le bouquin, c'est une gonzesse de 13 ans. Il y a un poème sublime de Nabokov, écrit par lui en français. Je pense que c'est ça qui m'a motivé. Le dernier quatrain est celui-ci. Ma voiture épuisée est en piteux état. La dernière étape est la plus dure. dans l'herbe d'un fossé, je mourrai à l'état. Et tout le reste est littérature. Pour les beaux yeux de Marino, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais pu un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié. Ça va, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision. J'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon. Une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rancors, des clous. Écume Varec sur la plage de Malibu. J'ai fait un tonne de choux. Et je l'appelais Marilou. En fait, c'est une Lolita que je cherchais sur le plan non pas physique. Un vieux con qui va aller chercher les petites danseuses de l'opéra. Non, c'est pas ça, c'est abstrait. C'est une recherche d'un absolu que je ne trouverai jamais. Et aussi, c'est d'une grande pureté. Les mots peuvent être dégueulasses, mais je ne touche pas. Enfin, j'y touche, mais j'y touche pas. C'est pas vrai. Jean-Yves Bosseur, on a vu que la Marilou de L'Homme à la tête de chou avait beaucoup de la Dolores Hayes de Nabokov, mais où en est le style de Gainsbourg à cet album? Je trouve qu'on trouve de plus en plus d'onomatopées, de jeux sur des éléments de langage tout à fait hétéroclites qui vont s'entrechoquer. Mais il y a un aspect aussi que je voudrais bien mettre en avant, c'est l'aspect processus de chaque chanson. C'est-à-dire que de plus en plus, il est clair que chaque chanson a vraiment une spécificité de tonalité, d'onomatopée tout à fait particulière. Alors il y a aussi le côté concept qui lie les chansons entre elles et qui est assez original, avec l'exploitation de la variation à partir d'un élément, un élément qui peut être une sonorité, un rythme, qui va donner donc à une chanson ou à un groupe de chansons une couleur vraiment particulière, presque obsessionnelle. Alors ça, c'est pas effectivement forcément très nouveau dans la production de Gainsbourg. On a vu par exemple que les sonorités en ex ou en I, il va pousser les conséquences par exemple de la rime jusqu'à l'absurde, sont plus vraiment des rimes, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment comme une espèce de colonne, si vous voulez, qu'on va retrouver tout au long d'une chanson et qui a une présence tout à fait extraordinaire et qui va donc donner à ces chansons un impact très fort en dehors des routines et avec une concision qui s'avère en fait tout à fait nécessaire. D'ailleurs, c'est curieux, mais quand on voit les textes des chansons reproduites, on est frappé par l'aspect d'abord de miniatures, souvent des chansons, ouais. Et puis aussi la disposition graphique, ou l'aspect des répétitions, mais des répétitions qui sont pas seulement dans l'alternance couplet-refrain, qui sont la répétition à l'intérieur même de la chanson, les symétries se traduisent d'une manière très évidente visuellement. En tout cas, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est la concentration donc extrême des moyens autour d'une trouvaille, de quelque chose qui va vraiment créer la force d'une chanson, qui peut pas se confondre avec une autre. Donc il n'y a pas de dispersion, pas de délayage, maximum d'efficacité, maximum de force d'impact. Donc vous trouvez une grande progression par rapport aux albums qu'on avait vus ensemble tout au début de la carrière de Gainsbourg? Oui. C'est le même procédé peut-être vu à l'extrême. Oui, c'est-à-dire plus quelque part d'élargissement au niveau par exemple du choix des sonorités, au niveau de du brassage des éléments, en même temps une maîtrise de plus en plus grande à la fois de la langue et puis de ce qui est véhiculé, et puis aussi bien sûr cette idée qu'il peut y avoir un certain nombre de chansons qui sont reliées par un même thème, qui soit donc un nom comme Marie-Lou, enfin qui soit donc qui permet à ce moment-là de faire autre chose que des pièces séparées. Alors en tout cas, l'aventure avec les Lolitas se termine souvent bien mal. Pour éteindre le feu au cul de Marie-Lou, un soir, n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel décrocher de son clou l'extincteur d'incendie. Brandissant le cylindre d'acier, je frappe, paf, et Marie-Lou se met à geindre. De son crâne fendu s'échappe un sang vermeil, identique au rouge sanglant de l'appareil. Sur le lino, un dernier soubresaut, une ultime secousse. J'appuie sur la manette, le corps de Marie-Lou disparaît sous la mousse. C'est la première fois, et la dernière peut-être, que l'on fera un chorus. On fait des chorus de sax, on fait des chorus de batterie, mais on n'a jamais fait les chorus sur le plan de la prosodie. Et dans le tête de chou, variation sur Marie-Lou, eh bien, j'ai pris le même thème, la même prosodie, et j'en ai fait, ça a duré une dizaine, une douzaine de minutes. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est cette histoire d'extincteur, comment ça a pu m'arriver de penser, de tuer, fracasser le crâne d'une petite gamine qui me faisait chier. Avec un extincteur d'incendie, puis ensuite d'envoyer la purée. C'est terrible, mais c'est magnifique. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis. Je lis le vice et je pense à Carole Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis. Dans son regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de quartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace,

et je demandais aux pompistes, derrière le zinc, le plein de kérosène. Puis, traînant mes baskets, je m'allais enfermer dans les water closets, où là, je vomissais mon alcool et ma haine. Titubant, je m'en revenais, et les petits enfants riaient de mes oreilles en chou-fleur. J'avais pris peu à peu la tronche d'un boxeur. Serge Gainsbourg, 30 ans de chansons, avec la participation de Jean-Yves Bosseur, musicien, et de Gilles Verland, auteur du livre Gainsbourg ou l'enfant sauvage chez Albin Michel. L'émission était réalisée par Marianne Manès, Monique Burguière et Francis Malval. C'était Euphonia, Serge Gainsbourg, le début des années 70, une émission de Jean-Luc Leray et Patrick Chompré, diffusée la première fois le 1er mars 1990 sur France Culture. Réalisation Marianne Manès. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.